Bonjour tout le monde, ici André Péloquin, il est 16h les poussières, vous écoutez toujours 89.3 FM CISM et c'est Plectrum, la grande traversée du jeudi qui débute et encore aujourd'hui, beaucoup de musique, je vous embêterai pas trop longtemps, sauf qu'on a quand même un concours qui est quand même intéressant. Si vous aimez les jeux vidéo, je vais vous chauffer les oreilles dans quelques instants. Mais avant, on va débuter dès maintenant, on va s'amuser avec un peu de pièces yéyé et pop rock francophone. On va avoir entre autres du Stella, on va aussi avoir les Surf, on va avoir les Breastfeeders, mais avant, on va avoir du DJ Zebra. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, je vous invite à me rejoindre par courriel à plectrumcism@hotmail.com ou encore à passer par le site web de la station, le cism893.ca, pour avoir plus de détails sur l'émission. On débute dès maintenant avec un mash-up d'une pièce de téléphone avec The Cure. C'est la pièce New York avec Cure sur la marge, le 89.3 FM CSM. Un jour j'irai à New York avec toi, toutes les nuits déconner. Et voir aucun film en entier, ça va de soi. Avoir la vie partagée, percé par le ronron de l'air conditionné. Dormir dans un hôtel délaté, aller du côté gay et voir leur corps se serrer. Voir leur cœur se vider et saigner, saigner. I try to laugh about and cover it all up with lies. I try to laugh about it, hiding my tears in my eyes. Cause I do. J'aurai New York au bout des doigts. On y jouera, tu verras. Dans les feuilles il fait noir, mais il ne fait pas froid. Il ne fait pas froid si t'y crois. Les flammes de peinture sur les murs ont parfois la couleur des sons que tu vois. Et puis c'est tellement grand que vite on oubliera que nulle part c'est chez moi. Chez toi, misjudge the limits. Chez nous pas, push to the far. J'irai là-bas. Un jour. Bonjour tout le monde, c'est toujours André Péloquin, c'est Plectrum, la grande traversée du jeudi qui se déroule toujours sur les ondes de CISM 89.3 FM. Je suis encore en onde, personne n'a assez fait de plaintes pour qu'on me retire, dans les dents, Gontran. On vient de terminer avec un classique de Stella, c'est sûrement le titre de pièce francophone le plus long au monde. Ça s'appelle « Si vous connaissez quelque chose de pire qu'un vampire, parlez-m'en toujours, ça pourrait peut-être me faire sourire. » C'est un test pour asthmatique que cette pièce-là. Un peu avant, on avait les Surfs avec la... C'était « en-en ». Et un peu avant, on avait Funiculaire des Breastfeeders. Mauvaise nouvelle pour les Breastfeeders lors de leur dernier concert à Trois-Rivières. Johnny Maldoror, espèce de bête humaine et comédien aussi de profession, a perdu sa fameuse fourrure qui l'habille quand il porte du linge finalement sur scène. Si vous avez plus d'infos, veuillez les contacter. C'est quand même un accessoire de scène assez important pour ce tambouriniste d'enfer. Pour ceux qui veulent les voir en concert, ça se passe le 3 décembre au Spectrum. On a débuté avec DJ Zebra, c'était la pièce New York avec Cure. On va poursuivre dès maintenant avec des trucs plus électro. On va avoir du Brazilian Girls remixé par Mastercraft. On va aussi avoir du numéro, on va aussi avoir du Mad Fuzz, mais on va débuter maintenant avec une pièce plutôt rare de Émilie Simon, ça s'appelle Ferraille. Si vous voulez avoir plus de détails sur la programmation de l'émission d'aujourd'hui, passez par mon blog, c'est le plectrumcism.blogspot.com. Pour avoir plus de détails, genre ma biographie, une description de l'émission, les archives de l'émission, patati patata, passez par le site web de CISM, c'est le cism893.ca. Allons-y de maintenant avec Émilie Simon et la pièce Ferraille. Oui, écoutons de la musique, c'est ça une émission de radio après tout, hein? Hein? Je te parle, réponds! À quoi me servent mes hortensias, mes primes verts, mes longs bras de lierre? Que puis-je en faire? Je les laisserai là, rouillés par terre. Que reste-t-il? Un peu de pistil, mes pétales de rose sont bien peu de choses. Ton âme en exerce, que veux-tu que j'en fasse? J'ai laissé des fleurs en pagaille, fanées sur un cœur de ferraille. Ça vieillit mal les fleurs. J'ai laissé des fleurs en pagaille, sur un cœur de ferraille, ça vieillit bien mal les fleurs. À quoi me servent mes hortensias, mes primes verts, mes longs bras de lierre? Que puis-je en faire? Je les laisse là, rouillés par terre.

Bonjour tout le monde, c'est André Péloquin, c'est Plectrum sur les ondes de CISM 89.3 FM, la radio des étudiants et étudiantes de l'Université de Montréal. D'ailleurs, petit message pour eux, disons non à la taxe technologique. Continuons le combat, flippons des chars, mettons le feu dessus tout le long de l'avenue Côte des Neiges. Alors, on vient de finir avec JK, c'était le Mastercraft Remix de Brazilian Girls. Un peu avant, on avait Numéro. Avec J'aime la bourgeoisie, ils seront en concert ce 19 novembre à la Sala Rossa, aussi dans le cadre du Saboteur Ball, avec notamment comme invité Justin Poirier comme DJ. Un peu avant, on avait Matt Fuzz, la merveille du Game Boy, avec la pièce Montréal en canicule, et on a débuté avec Émilie Simon, c'était la pièce Ferraille. On va poursuivre avec un petit peu de hip-hop. On va avoir du Maybe Watson, on va aussi avoir du Mademoiselle Giraffe, un duo de choc entre Power Up First et Seba. Ça se retrouve sur le nouvel album de Power Up First qui sera lancé la semaine prochaine. Moi, je vous le dis, c'est ma pièce préférée de la semaine. Ça s'appelle Je garde ça réel, c'est incroyable. Portez une attention particulière au texte. Mais avant, débutons avec Des Damages et la pièce Des Damages te hais. Si vous avez de l'espace sur votre disque dur ou sur votre iPod que vous voulez combler d'une façon ou d'une autre, allez sur mon podcast, c'est le podmodernisme, podmodernisme.blogspot.com. Pour avoir plus de détails sur ce que t'écoutes en ce moment, tu te dis, mon Dieu, c'est quoi ce mongol-là? Ça doit faire 2-3 semaines qu'il est en onde à CISM, mais non, ça fait 3 ans et je suis toujours aussi nul. Ah! Je ris parce que c'est triste! Eh bien, allez sur le CISM893.ca pour avoir plus de détails sur moi, sur l'émission, sur la programmation de CISM en général. On y va dès maintenant avec Des Damages te hais de Des Damages. Oh oui! Le ciel est bleu, j'en fais des copies lucratives. Nique et copica, je les porte comme une cicatrice. J'ai le copyright et collectionne comme Pokémon. Colique unanime, alcoolique, tu t'habilles. Mais ça se tarde avec l'âge. Mon place dans le secteur, moisis le sec. Moisis je paie, moisis au sec. Je choisis mon cercle, la voix s'il te plaît. Reste à croire que j'ai fait. Je te hais plus que tu ne t'aimes. Je m'aime beaucoup plus que tu me hais. Je te hais plus que tu ne t'aimes. Je m'aime beaucoup plus que tu me hais. Il n'y a pas vraiment de sujet sur lesquels je me tends. Il n'y a pas vraiment de sujet sur lesquels je me tends. Il n'y a pas vraiment de sujet sur lesquels je me tends. Il n'y a pas vraiment de sujet sur lesquels je me tends. Fais gaffe à ton mercantile, rampe la piste d'abus. Magnétique, elle excelle dans le cannibalisme tribal et panique. Elle s'anime à la danse, c'est une acrobate. Caritative, allocasse, combustion spontanée. Conducteur depuis tant d'années, les contusions le long des bras. Tu prends du plomb dans les jambes et quand tu sens que c'est l'offensive, et ton centrique, j'ai les boules dans le cil. J'ai vu tellement de tremblements de frères, d'effets de serre, de gouttes de sang versé à terre. Dans de lait, dans de la lune, demande-moi quand je m'amuse. Des stades de l'an dont on t'abuse, et jusqu'au lendemain, seuls nos bandits ont la bande sur la tue. Je te hais. Que tu me fais, je m'aime beaucoup plus que tu me hais. Je te hais plus que tu me fais, je m'aime beaucoup plus que tu me hais. Je te hais plus que tu me fais, je m'aime beaucoup plus que tu me hais. Il n'y a pas vraiment de sujet sur lesquels je peux m'étendre. Il n'y a pas vraiment de sujet sur lesquels je peux m'étendre. L'acétone optimise la nicotine dans une pellicule de kérosène. Mon écriture se fait l'honneur d'être une guillotine de cerveau dead. Aïe, mécanique, nourrit, serait-ce le nec. Plus ultra, c'est personnel, serait-ce le vrai. Yo, à coup de père, Jack, je perds, c'est ton jersey. On lui me cherche, et je perds, c'est ton birthday. Ton anniversaire, mais personne n'est prévu. Mais personne n'est guère, une situation incongrue. Je rêve, vieux, je perds, c'est vu de le tertiaire. De Belzébuth et de Fèche. Je te hais plus que tu me t'aimes. Je m'aime beaucoup plus que tu me hais. Je te hais plus que tu me t'aimes. Je m'aime beaucoup plus que tu me hais. Je te hais plus que tu ne t'aimes. Je m'aime beaucoup plus que tu me hais. Il n'y a pas vraiment de sujet sur lesquels je me tends. Il n'y a pas vraiment de sujet sur lesquels je me tends. Il n'y a pas vraiment de sujet sur lesquels je me tends. Il n'y a pas vraiment de sujet sur lesquels je me tends. J'étais dans une coccinelle quand un auxiliaire de police est venu polluer mon oxygène. Je décline net mon identité au déclic. Qui sait qui c'est toujours bien pour tous les kikis. C'est clip, c'est ma qui mon équimos en mec qui n'a qu'une légitime défense. Et j'time défense, quand les grosses veines gonflent avec la pluie de sang. Kérosène mon revolver, braqué sur les autres. Hérogène mon prévenait. Les clients je paie vos fesses. C'est ludique, la cellulite a des jus de vie. Je te hais plus que tu ne t'aimes. Je m'aime beaucoup plus que tu me hais. Je te hais plus que tu ne t'aimes. Je m'aime beaucoup plus que tu me hais. Il n'y a pas vraiment de sujet sur lesquels je peux m'étendre. Il n'y a pas vraiment de sujet sur lesquels je peux m'étendre. Ben non, j'porte pas de pyjama pis de crèche d'enfant dans le trou. Mais quand j'pogne le mic, j'suis capable de...

m'offre une bière avec gratitude. Pour un moment, j'ai la quiétude de toute l'incertitude. Mais après, je ferai une plainte de ma solitude. Je m'éreindrai constamment de toutes ces platitudes. Je bois une gorgée et me retrouve immédiatement transporté. L'esprit déchiré et pupille dilatée. Sourire décervelé, la lune débargondée. Étourdi par le spin de toutes ces machines. Je me défonce, consomme un autre once. Et je tente de filer. J'étais rien. Je veux devoir appeler mes amis, mais j'ai pas envie. Je sais pas comment je suis rentré, je sais pas comment ça finit. Je sais pas ce que j'ai fait hier soir. J'ai peut-être frappé quelqu'un, j'ai peut-être assassiné quelqu'un, puis je le sais pas. J'ai mal partout, à la tête encore au bras. Il est midi, j'suis encore sous. Ma tête est alourdie, mon corps est engourdi. Je marche, je parle, je réfléchis comme possible. Puis je me dis, et que la vie est dure, l'avenir est pas sûr. C'est une mauvaise augure, toutes ces aventures. Un petit peu insécure, mon amour, je me sais sûr. Toutes sortes d'affaires qu'on se dit, quand aussi, il est midi, j'suis encore sous. Ma tête est alourdie, mon corps est engourdi. Yeah, je marche, je parle, je réfléchis comme aussi. La vie comme de l'eau, vaisselle, comme une annonce publicitaire, comme une odeur d'aisselle. Une poubelle, de les romaniser. Coca-Colaisé, sans personnalité. Meilleur avenir n'est pas passé. Chercher identitaire, prioritaire quand la bouée est au fond de la mer. J'en fous, je te battrai la montée. L'eau dans ma tête, c'est la gire. Il fait pas tout chaud. Et pourtant, dehors, il fait chaud. Je comprends, il écoute les filles, écoute la météo. Show love quand tu shovel, on voudrait tous cuddle dans le lit puis snuggle, mais faut qu'on déblaye. Yeah, faut qu'on déblaye la neige. Le snow love, que tu hustle, show love quand tu shovel, on voudrait tous cuddle dans le lit puis snuggle, mais faut qu'on déblaye. Faut qu'on déblaye, faut qu'on déblaye la neige. Même si t'es dégoûté par la slush dans les puddles, yeah. Dis-toi que la neige est une excellente raison de cuddle. Snuggle avec sa blonde, un chocolat chaud sur le divan. Un bon film à la télévision le dimanche. La vue sur l'extérieur des airs blancs au Québec. Une partie de Monopoly ou une game d'échecs. Le froid nous affecte tous, mais on se tient. On pèle en groupe, puis on se plaint. La neige, c'est la partie charmante de l'hiver. Même si on la repousse dans nos prières. Chaque flocon est unique, œuvre de la nature. Chaque seconde est unique, mon amour, je te l'assure. Si les gens savaient sourire au lieu d'engueuler leur souffleuse, on pourrait apprécier la beauté de la neige poudreuse. Mais c'est pas le cas comme une danse européenne. Yeah, check it. Le snow love que tu hustle, show love quand tu shovel. On voudrait tous cuddle dans le lit puis snuggle, mais faut qu'on déplaye. Yeah, faut qu'on déplaye la neige. Le snow love que tu hustle, show love quand tu shovel. On voudrait tous cuddle dans le lit puis snuggle, mais faut qu'on déplaye. Faut qu'on déplaye, faut qu'on déplaye la neige. Femme et homme, ayez vos pelles à la main. Dame neige vient de retomber un matin. C'est que c'est un calvaire pour plusieurs d'entre vous. Vous et la neige sur votre driveway, c'est un rendez-vous. Elle a juste besoin d'un petit peu d'attention. Elle fait que le monde reste dans leur salon. Imaginez-vous un instant être à sa place. On part tous dans le quand on vous voit à la face. Ce qui fait que j'ai écrit cette petite chanson pour les gens des grandes villes et des cantons qui en peuvent plus des jours sombres, n'aiment pas les flocons, attendent impatiemment le jour où ceux-ci fondront. J'ai une proposition, aimons la neige, faisons-lui comprendre ça. C'est vraiment son ami le froid qu'on sent pas. Elle consentera, comprendra qu'elle est rien sans lui. S'en ira, Le snow love que tu hustle, show love quand tu shovel. On voudrait tous cuddle dans le lit puis snuggle, mais faut qu'on déplaye. Yeah, faut qu'on déplaye la neige. Le snow love que tu hustle, show love quand tu shovel. On voudrait tous cuddle dans le lit puis snuggle, mais faut qu'on déplaye. Faut qu'on déplaye, faut qu'on déplaye la neige. C'était l'excellente Snow Love de Maybe Watson. Si vous voulez avoir le vidéoclip de cette pièce, consultez son MySpace. C'est le myspace.com/MaybeWatson en un mot. Bonjour tout le monde, c'est André Péloquin, c'est Plectron de la Grande Traversée du jeudi qui se poursuit sur les ondes du 89.3 FM. La marge! Mon Dieu, je suis en train de muer. Marge! Je mue encore. Un peu avant, on avait Mademoiselle Girafe avec la pièce Absinthe. Pour ceux qui ont apprécié ce que ces garçons font comme chanson, ils sont aussi DJ les dimanches au Saint-Ciboire. Allez-y si vous êtes curieux. Un peu avant, on avait, oh mon Dieu, la pièce de la semaine, Power Up First en duo avec Seba. C'était la pièce Je garde ça réel. C'est le lancement de l'album, où est-ce que vous pouvez retrouver cette pièce? C'est le deuxième compact de Power First. C'est ce 21 novembre au National. On a débuté avec Dédamage. C'était la pièce Dédamage de Haie. C'est déjà ma dernière intervention pour cette heure francophone. Mais avant de retourner en musique avec un petit peu de folk, on a un concours pour vous car CISM s'est associé au magasin Game Buzz. Et à chaque semaine jusqu'au 21 décembre, pardon, eh bien, on va vous faire tirer des prix Game Buzz, des jeux, j'imagine, d'une valeur de 50$ par semaine. Je vous invite à participer en grand nombre, car lors de la dernière semaine du concours, toutes les personnes qui auront participé au concours vont pouvoir être éligibles à un tirage d'un des deux systèmes Nintendo Wii d'une valeur de 500$ avec des jeux et accessoires. Et comme j'ai essayé la Wii ce week-end à Arcadia, je peux vous dire que je vais essayer de détourner le concours afin de gagner moi-même, parce que c'est une console qui est quand même excitante. Faire semblant de gonfler un pneu en jouant à WarioWare, c'est toute une expérience. Et que dire du tennis? Où est-ce que tu frappes la balle pour de vrai avec ta manette? Et même si t'as juste besoin d'un petit mouvement pour faire bouger la raquette, tu y vas avec la grosse swing parce que tu fais épater le petit jeune de 14 ans avec contre qui tu testes la console. Oh oui! Mais je vais pas vous laisser gagner comme ça quand même. Alors, afin d'éliminer un maximum de personnes de ce concours, afin de pouvoir m'approprier une des deux Wii, je vais vous poser des cols. Mais vu que je me sens quand même généreux et que j'ai un fusil sur la tempe et que je suis obligé de vous faire gagner, eh bien, on va se réchauffer dans cette première heure. Je vais vous jouer un extrait d'une pièce musicale et vous devez écrire un courriel au GameBuzz, GameBuzz, cism893.ca, et vous dites le nom de l'émission, l'heure que vous avez entendu cette pièce et le jeu vidéo en question. Et voici maintenant l'extrait. Thank you. Vous voyez, c'est quand même facile, mais plus on va progresser dans le concours, plus je vais me tanner et plus je vais vouloir gagner une Wii moi-même, alors plus les extraits vont devenir plus difficiles. Alors, si vous avez reconnu le jeu vidéo en question, je vous invite à faire parvenir un courriel avec votre réponse, le nom de l'émission et l'heure où est-ce que vous l'avez entendu au GameBuzz, GameBuzz@cism893.ca. Maintenant, on retourne en musique. On va avoir du Otari avec Lazy Lover. On va aussi avoir du Krista Muir, qui est bien sûr la véritable identité de Lederson Lucille avec la pièce Enfin Libre. Mais avant, l'excellente pièce Pas de Bourré de la formation Natacha. Ils lancent leur premier album le 22 novembre à l'ESCO. Et je devrais y être, vu que ma fête, c'est 4 jours plus tard. Et alors, si vous voulez, mesdames, m'embrasser goulûment et messieurs, me payer de la bière, je vous invite. Ça va me faire plaisir, je suis généreux de même. On y va là maintenant avec Natacha sur la marge. Oh oui! Participez pas au concours, je veux gagner moi. Participez pas vous. Moi qui gagne. Moi! Thank you. Changer mon... Pourquoi je l'ai changé, mon choix? Pourquoi mais je suis venu te le dire changé, après? Mais moi, je sais pas vraiment si tu l'as changé, OK? Tu me l'as dit. J'ai mis Kim au balotage. Non, je sais, je comprends. Là, de toute façon, regarde, vous deux, à chaque fois qu'on vous parle, il faut tout le temps que vous soyez les deux, là. Ben, moi, j'ai jamais demandé à personne. Tu sais, c'est comme, vous mettez tout le temps deux sur une personne. Moi? Sur ça, je sais pas. Bon, café. Dans la phrase, j'aimerais vraiment apprendre à connaître Mathieu! Parce qu'on n'est pas en train de connaître les lecteurs qui sont avec toi. Puis en plus, il y en a qui s'emportent très vite. Moi, je m'en fous. Peut-être, en tout cas. Ouais, mais j'ai pas demandé là, de venir avec moi. Là. Non, je sais, mais c'est parce que c'est la même chose. Là. À chaque fois que tu essaies d'avoir une discussion avec quelqu'un, il embarque. Moi, je l'entends parler, là. Oui, puis Nathan, il était tout le temps là, nan, nan. Regarde, la personne ben, avait parlé là, à toi. Oh, ouais. Tu sais, il avait pas parlé avec l'autre, il s'en vient tout le temps là, puis lui, il se mêle pas de ses affaires, puis viens.